matin dans ma berline, en route pour l'usine, j'ai croisé Valentine sur la route des Innes. Elle était en vélo, moi j'étais en auto, je klaxonne pour l'avertir, elle m'a fait un grand sourire. J'en étais tout chaud, un grand frisson dans l'échine, pourtant ce n'était pas grand chose, Valentine, ce n'est que ma cousine. Mais je souriais aux anges, j'ai même grillé l'orange, pourtant ce n'était qu'un sourire, vraiment pas de quoi frémir. Depuis ça me turlupine, cette liaison maligne entre ce sourire anodin et ce frisson soudain. J'en étais tout chaud, un grand frisson dans l'échine, pourtant ce n'était pas grand chose, Valentine, ce n'est que ma cousine. Pourquoi un si petit bonheur me chavire-t-il le cœur, mon petit cœur d'artichaut qui n'a jamais assez chaud. C'est vrai, souvent je reste hagard quand sur moi se pose un regard comme le vilain petit canard qui avec les cygnes s'égare. J'en étais tout chaud, un grand frisson dans l'échine, pourtant ce n'était pas grand chose, Valentine, ce n'est que ma cousine. Valentine, ce n'est que ma cousine. Mais je ne suis pas un petit canard, ni même un petit étard. Je suis plutôt un notable qui ne met pas ses coudes sur la table. Un sourire de circonstance, et je perds toute contenance, égaré dans ma berline, à la merci des Valentines. J'en étais tout chaud, un grand frisson dans l'échine, pourtant ce n'était pas grand chose, Valentine, ce n'est que ma cousine. Suis-je donc si habitué au froid, moi qui ne parle jamais de moi, moi qui n'ai jamais assez chaud dans mon petit cœur d'artichaut. Je suis toujours en retard, et oui je suis toujours hagard. Je suis perdu parmi les signes, j'attends qu'il me fasse un signe. J'en étais tout chaud, un grand frisson dans l'échine, pourtant ce n'était pas grand chose, Valentine, ce n'est que ma cousine. Et Pauline, ce n'est que sa voisine. Et Martine, ce n'est que sa copine. Valentine, ce n'est que ma cousine.